lave-moi Seigneur. Ô Jésus, lave-moi chaque jour, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, lave-moi. Ô Jésus, lave-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, lave-moi. Ô Jésus, lave-moi. Ô parle-moi Seigneur, ô Jésus, parle-moi, parle-moi, parle-moi Seigneur, ô Jésus, parle-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Ô Jésus, parle-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Ô Jésus, parle-moi, ou guéris-moi, Seigneur. Ô Jésus, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi, Seigneur. Ô Jésus, guéris-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guéris-moi. Ô Jésus, guéris-moi, chaque jour, chaque nuit, par ta force du Saint-Esprit, guéris-moi. Ô Jésus, guéris-moi. Mon Dieu, remplis-moi, Seigneur. Ô Jésus, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi, Seigneur. Ô Jésus, remplis-moi chaque jour, chaque nuit, par ta force du Saint-Esprit, remplis-moi. Ô Jésus, remplis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Remplis-moi, ô Jésus, remplis-moi. Dieu parfait et fidèle. Notre Saint Père Céleste. Dieu incomparable. Sauveur de l'humanité. De tous les hommes, principalement des croyants. Nous nous tenons devant toi dans la fidélité, dans l'humilité, dans la simplicité, pour te glorifier et te vénérer, pour t'adorer et te servir, pour t'écouter et t'obéir, pour nous soumettre à ta volonté. Père, restons-nous à ta présence, lave-nous dans le sang de Jésus-Christ, guéris chacun de nos seigneurs de tous ces maux, de toute affliction, de toute souffrance, toute douleur. Tu es le libérateur parfait. Quand toi tu donnes la liberté, l'on sent réellement la liberté. Et ce que toi tu fais durera toujours. C'est une œuvre bien faite. Parle à chacun maintenant. Amène les âmes à la repentance, à la conversion, au baptême du Saint-Esprit et à l'identification avec Jésus-Christ. Pardonne nos péchés, nos erreurs et nos fautes. Tu nous vois, tu nous sondes. Aïe pitié de nous dans ton corps et lave-nous de toute faute. Le sang de Jésus expie cela. Nous avons tenu innocent devant Dieu. Parce qu'on mérite des accusations de notre adversaire. Père Céleste, conduis la prédication maintenant pour chacun de nous, que ce soit bénéfique. Que nous soyons édifiés sur le plan public. Au nom de Jésus Christ, Dieu de vérité, prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Dans Exode chapitre 34. Le verset 8 à 10. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. » Mose akitisaki moto na ye epai na se noki mpe asambelaki. Ye alobaki ete, sasa epi, soko na bongi na miso na yo, e Yawe, mbele na bondeli yo tika, Yawe akenda kati na biso. Ata bazali bato na mito makasi, limbisa mabe na biso mpe, lisumu na biso, mpe kamata biso lokola likula na yo. Yalobaki ete, tala, na kosala kondimana, na kosala misala na kokamwa liboso na bato na yonso. Na ndenge misala, misalami na mokili yonso te. Pe na libota moko te. Pe bato yonso, ojali kati na bango, bakotala mosala na Yawe. Po ete, ejali likambo na nsomo, likosala ngai na yo elongo. Deutéronome chapitre 18, le verset 15, et puis le verset 18. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Du milieu de tes frères. Ok. Verset 18, je la susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Parlons dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres chapitre 26. Versets 22 et 23. Mais grâce au secours de Dieu, je subsiste jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Bongo esilaki ngai kozwa lisungi liuti na Nzambe, na teimi kino lelo oyo kotatola na bato mike pe na bato minene, pe koloba likambo mosusu te bobele makambo malobaki basakoli na Mose ete makobima. Ete ekokaki na Kristo koyoka mpasi pe ete ye oyo moto na liboso na kosekwa na bakufi alingaki kosakola Moïna liloba oyompe na bapagano. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Rambi apambola botanga. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur. Oui, malamu na mesa na kolo. Dans l'amour de Dieu. Kasi na bolingo na Nzambe. Nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. De l'amour dont il nous a aimé, nous apprenons à aimer. Aimer Dieu de tout notre cœur. Et aimer notre prochain comme nous aimons nous-mêmes. C'est la loi, les commandements nouveaux que Jésus-Christ nous a apportés. Alors nous poursuivons la méditation de la parole. Le grand thème est là. Mais nous avons comme un tiré à part qui tire par longueur vu sa particularité dans le temps dans lequel nous vivons. Comment éprouver un ministère de la parole? Et nous sommes arrivés à l'étape d'examiner l'appel de William Branham. Et je vous ai dit que Dieu voulant, après avoir flashé quelque chose ici sur l'appel de William Branham, je vous présenterai ensuite les commissions de William Branham. Les commissions de William Branham. Donc, le ministère que le Seigneur a voulu accomplir par le canal de serviteurs, est d'une importance toute particulière dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du salut. C'est exceptionnel. Avoir lieu qui par son canal et de la manière dont Dieu a disposé les choses. Là. Les enfants de Dieu fidèles, ils aiment les choses de Dieu. Vous savez, chaque fois dans toutes les générations, dans tous les âges, Dieu a une façon de faire les choses. Et chaque fois qu'il agit, il y a d'un côté des bons et des fidèles témoins de l'œuvre de Dieu. Donc, qui sont attentifs, qui veulent s'accrocher, qui veulent profiter de ce que Dieu est en train de faire. Et à l'opposé de cela, il existe aussi des contenteurs ou des moqueurs, des infidèles qui des fois ne font aucun cas de ce que Dieu est en train de faire. Déjà mercredi, nous avions lu dans Actes des Apôtres chapitre 13 que je peux vous rappeler parce qu'il s'agit d'une leçon. Que chaque aspect soit quand même saisi quand il y a une pensée importante. Dans Actes chapitre 13, nous avions lu ceci, versets 40 et 41. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Qu'est-ce qui était dit? Voyez-vous les arrogants, qu'on appelle aussi dans l'autre traduction, les contenteurs. Donc ce sont des joueurs de rôle religieux, mais qui ont l'incrédulité dans le cœur, qui se donnent l'impression d'être des religieux, des adorateurs de Dieu, mais qui en fait se moquent des véritables œuvres. Quand tu établis un ministère, ils vont les filer. Mais en même temps, ils sont zélés pour aller dans des réunions, et dans des cultes, des choses comme ça. Des arrogants, qui ne veulent pas reconnaître l'œuvre de Dieu sous les yeux. Ils ne veulent pas se soumettre au service divin que Dieu les envoie. Alors il dit, voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et l'obami na basakoli, eya na binote, ete. Botala, bino batioli, boka mwampe, bolimwa, poete ngai na jali kosala, mosala moko, na mikolo na bino. Mosala moko ndima binote, ata moto, akolimbo la yamu na bino, kolele. Voyez? Omoni? Qui va faire l'œuvre? C'est Dieu lui-même, l'autorité suprême des prophètes. Le Seigneur de tous les ministres, lui-même va faire une œuvre. Mais il promet, il annonce que cette œuvre, quand il va la faire, elle ne va même pas susciter la foi. Ceux qui entendront parler de cette œuvre, ou ceux qui la verront se dérouler, ne la croiraient pas. Ils ne pourraient pas se convaincre qu'il s'agit de Dieu. Ils vont chercher des arguments, des raisons pour suivre chacun sa propre voix. On est tort à la voix de Dieu. Ne soyez pas de cette catégorie. C'est un conseil d'amis, un conseil gratuit. Si vous plaît, frères et sœurs, ne soyez pas de cette catégorie de choses. Soyez plutôt des humbles qui sont disposés à recevoir la révélation et que Dieu puisse vous révéler ses voies. ici dans Esaïe au chapitre 5. Ah, voilà, Isaïe, mon capo, mitano. La même catégorie de gens. Moko ya bato. Oh, c'est vraiment pitoyable. Voilà, mawa. Esaïe au chapitre 5, on dit ici, Dieu prononce encore une chose. Là, au verset 12. Malheur. Est-ce que je... Il est au verset 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les poissons et les plantes, et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vent. C'est une catégorie de gens qui aiment bien se divertir, se saouler. Ils boivent et ils trouvent plaisir à ça. Mais Dieu a une façon de faire. Il ne va pas se laisser découragé par les moqueurs qui passent leur temps dans les boissons alcooliques et qui viennent parler de l'œuvre de Dieu d'une manière perverse. Bien aimé, sachez que Dieu est fidèle. Oh, écoutez, quand nous allons dans Esaïe chapitre 10, le même Seigneur Dieu nous alerte encore. Et il montre qu'il ne peut pas laisser impunis des gens qui se méconduisent de cette manière. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Il dit au verset 1, malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Mawa epa ina bango bako bimisaka mibeko na mabe te bako meliba oyo bako koma minyoko. Il s'imagine que le juste juge n'existe pas. Et les actes qu'ils commettent, des injustices qu'ils commettent contre les semblables, Dieu ne voit pas, Dieu n'agit pas. Mais pourtant, il y a là-haut un Dieu qui voit. Celui qui a la foi reconnaîtra l'autorité. Et quelles que soient les injustices que les hommes multiplient, reconnaissez que Dieu demeure fidèle et qu'il accomplira fidèlement son œuvre dans toutes les générations, dans tous les lieux de la terre où l'on peut s'attendre à lui. Que rien ne vous distraille, ni le comportement des ivrognes, ni le comportement des infidèles, sachez que Dieu est maître de ce qu'il fait. Il peut aller jusqu'à négocier et venir prononcer des arrêts d'iniquité, des ordonnances injustes. Et peut-être ça peut pénaliser jusqu'à l'église de Dieu, jusqu'aux enfants de Dieu. Ne vous effrayez pas de tout cela. L'œuvre de Dieu ne peut pas être liée par un homme. Elle ne peut pas être bloquée par un individu. Quand Dieu décide d'agir, il agira jusqu'au bout. Avons-nous foi en lui? Parce qu'il connaît tout ce qui se passe là. Toutes les manœuvres et les ruses des hommes. L'éternel Dieu connaît tout ce qu'il faut et tout ce qu'il planifie. Ayez confiance en lui. Et reconnaissez que son œuvre ira vers là-bas. Oui, parce qu'il a dit, mais j'agirai et qui s'y opposera? C'est dans sa Bible lui-même que Dieu a dit ça. Moi, j'agirai, qui s'y opposera? Je prends cette résolution. Qui pourrait s'y opposer? Je vais exécuter la résolution prise. Béni soit le Seigneur. Et tenons-nous fermement dans sa voix. Il est donc important que nous ne soyons pas du nombre de ceux-là qui sont arrogants ou contenteurs. Mais nous devons être du côté de ceux qui croient Dieu, qui prennent Dieu au mot et veulent être les témoins fidèles. Vous pouvez nous voir ici dans Jérémie 51. Encore une vérité qui va nous distinguer. Et ce n'est pas en vain. Dieu va nous récompenser. Pour notre fidélité, il nous récompensera. Dans Esaïe, Jérémie chapitre 51. Il dit ceci. Oh Dieu merveilleux. Verset 10. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Je vous encourage, quand vous êtes dans la voie de Dieu, dans la foi, ne vous laissez distraire par rien. Ni par les ordonnances d'iniquité, ni par les des décisions judiciaires prises contre ceci, des décisions politiques et des autorités de ceci, notre cause à nous, c'est Dieu qui en manifestera la justice. Peuple de Dieu, croyez Dieu. Venez et racontons en Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Yaka, tosa kolakati na siona, mosala na Yahweh, nzambi na biso. Même si des moqueurs se multiplient, des orgueillés, des arrogants, des minimistes, qui dénigrent tout, et vous donnent l'impression d'avoir raison, Dieu manifestera la justice de notre cause. Qui est celui qui croit à sa mot à mort? Dieu manifestera la justice de notre cause. Notre cause étant juste, Dieu défend les causes justes. Et il manifestera aux yeux de tous la justice de notre cause. Moi, j'ai confiance qu'il le fera. Sa parole nous l'est dit, je ne peux pas lutter. Je suis censé croire tout ce que Dieu me promet. Oh, alors soyons, venons et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Nous sommes censés le faire sans honte, sans frein, témoignons de l'œuvre de Dieu. Quand nous savons que c'est Dieu qui fait cette œuvre, alors nous sommes fiers d'en témoigner. Mais c'est pas vrai? Oh, mes chers amis, ici dans les psaumes 64, Dieu montre encore quelque chose ici. Tous les hommes sont saisis de crainte, verset 10. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Verset 11. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Soyez comme ça. Soyez gens de témoins. Le dernier verset. Il fallait que je commence par 9. Ok, d'accord, vas-y. Batoyonso bakobanga pe bakosolola misala na nzambe bakosolola pe makambo masali ye bayengebene bakosepela mpona Yahweh bakomibomba epai na ye yonso na mitema sembo bakojala na esengo. Notre refuge est dans le Dieu vivant. Il est notre rocher, il est notre bouclier. Il est notre protection, la pression et la vulnérable. Alors ne regardez pas ce que les hommes font. Les moqueurs et les moqueurs. Les arrogants, les orgueillés font raconter l'histoire. Et même il peut utiliser les influences politiques. Il l'avait fait à l'époque de Daniel. Mais Dieu avait son œuvre par le canal de Daniel. Il ne s'est pas arrêté à cause de tous ces professeurs-là. Ce qu'il devait faire a été fait. Voyez-vous qu'il est le même Dieu? Qu'est-ce que si vous exhortez vous aussi? Ne dites pas, mais j'ai suivi qu'un tel a dit que l'autre là-bas, ou votre frère Branham là était un faux prophète. Et pour ça, vous devez refroidir votre cœur. Ce sont des arrogants. Ce sont des contenteurs. Ce sont des orgueilleux. C'est des gens qui s'enivrent et se laissent distraire et qui ne veulent pas prendre garde à ce que Dieu fait. Ils ne veulent pas examiner de près la véritable œuvre du Seigneur dans leur temps. Et Dieu a dit, regardez et voyez. Ce sont des gens voués à disparaître. Mais toi, tu es voué à vivre éternellement. Alors, choisis le camp dans lequel tu veux évoluer. Voyez là, moi j'ai choisi le camp des témoins fidèles. Je veux rester fidèle à Dieu. Et je croirai son œuvre jusqu'au bout. Je veillerai à tout ce que Dieu fait tout le long du chemin. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Alors, retournons dans Ésaïe 5. Après avoir annoncé le malheur, je suis au verset 12 là. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Alors, la harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de sa main. Na ngomo, pena pololo, pena vinyo, na bilambo, na bango. Nde bakotalaka misala na yawe te, bakomona misala na maboko na yete. Et au lieu de chercher le refuge en l'Éternel Dieu, au lieu de chercher la consolation qui vient de Dieu seul, leur consolation, c'est la boisson alcoolique. Dieu a dit malheur à ces gens. Dès le matin, échauffés par le vin. Et dans leur festin, leur manifestation, il y a le lit et la harpe, des instruments de musique, il y a la bonne ambiance, il y a des danses et tout. Et ces genres de gens, la Bible dit qu'ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Il ne se laisse pas édifier par le travail d'un médecin. Dieu est en train de travailler, mais eux sont sous les effets alcooliques. Voilà pourquoi, connaissant tout ça, le Seigneur Dieu de Samson, il avait exigé à la mère de Samson, à cause de l'importance de l'enfant qu'il voulait lui donner, l'enfant qui devait naître de ses entrailles, il a exigé à la maman, à la femme de Manoah, la mère de Samson, de pouvoir ne pas toucher du vin pendant tout le temps de la grossesse à venir, jusqu'à ce qu'elle mette au monde un enfant. Cet enfant était destiné à être un instrument au mains de Dieu, et c'est l'homme par qui Dieu a commencé les batailles contre les Philistins. Quand Dieu a amené son peuple d'Israël hors d'Égypte, et qui est sous la conduite de Josué, et il leur a donné la terre de Canaan, Dieu avait dit que je ne peux pas exterminer tout ce peuple-là sauvagement. Le pays risque de devenir un désert. Et les peuples sauvages vont commencer à vous déranger dans la terre de promesse. Mais je vais les exterminer progressivement. Donc, mais ils seront comme une épine dans vos bottes. Ressortissant cananéen et consorts. Et c'est ce peuple-là qui sont devenus les Philistins. Dieu les a gardés là sciemment. C'était pour le bien des enfants de Dieu. Pour les épargner de la multiplication. Il laisse des êtres humains incirconcis occuper les territoires d'Israël pendant des années. Les Philistins étaient un danger contre les Israéliens. Et les bêtes sauvages aussi étaient un danger pour eux. Les adversaires humains, ils les laissent occuper leur territoire. Et ils ferment la porte aux adversaires sauvages qui n'ont point d'âme. Les animaux sauvages, ils pouvaient périr là-bas dans le pays. Et ce mec a dévoré les Israélites. Au point qu'il se mettrait à régresser le pays d'Égypte. Vous voyez, se demande pourquoi Dieu laisse de voir certains ennemis. Et tu pourras trouver que les premiers éliminés étaient plus gentils avec toi. Tu vas même dire, mais pourquoi Dieu n'avait pas laissé ça? Ça, c'est quand il vous laisse une situation, il y a du bien qu'il veut vous voir tirer de là. Vous avez avantage à passer par là. Il est le meilleur stratège plus qu'aucun homme. Comprenez-vous ça? Alors il les a laissés continuer là-bas. Un peu de pharisiens, un peu de canadiens. Mais ils seront comme des épines dans vos bottes. Quand tu marches, ça te pique, mais n'essayez pas les autres. Dieu lui-même contrôle l'épine parce qu'il a les épines. Même quand l'épine va te piquer, c'est Dieu qui a laissé l'épine rester là. Elle ne peut pas t'exterminer. Elle ne va pas t'anéantir. Parce qu'elle est sous le contrôle de ton Jésus. Ne crains ni l'épine, ni la rose. Ça ne peut pas te neutraliser. Ton Dieu contrôle tout cela. As-tu confiance? Voilà pourquoi ces peuples-là n'ont jamais anéanti Israël. Ils leur ont fait la guerre pendant des années, mais ils ne les ont pas exterminés. Mais Dieu, pour pouvoir les affaiblir, il a lancé l'offensive par le canal de Samson, dont nous avons entendu un extrait. Après sa chute, le merveilleux, la merveilleuse prédication pour laquelle vos frères et sœurs d'outre-mer continuent à bénir Dieu. Cette merveilleuse que Dieu nous a donnée là, et ça continue à faire du bien aux âmes. Que Dieu soit loué. Alors le Dieu de chez Samson là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé Samson, un enfant né sous le signe du Nazireat. Nazireat imposé par Dieu à sa mère d'abord, pendant la grossesse. Nazireat imposé à l'enfant lui-même, toute sa vie. Il ne devait boire ni vin, ni quelque chose. Car Dieu avait une œuvre à accomplir par lui. Avez-vous confiance que le même Dieu, il peut agir dans notre âge? Mais c'est vrai, non? Il est le même Dieu de la Bible. Il ramène l'histoire sous notre âge. Oh, le Nazireat est une merveille. Dans Juges au chapitre 13, il est écrit ceci, au verset 3 à 5. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mwanje na yawe amona na kina mwasimpe alobaki na yeti. Tala uzalie kumbape ukubota kate. Kasi ukuzwazemi mpe ukubota mwana mobali. Na bongo keba ete ome la vinyo to eloko makasi te. Te olia eloko na mbindo te. Poete tala ukuzwazemi mpe ukubota mwana mobali. Lobetu ekokoma na moto na yete. Poete mwana oyo akojala monajisi epai na Nzambe. Longwa na kubota mana ye. Nzambe pe akobanda kubiti saisa lele na loboko na bafilisia. Kedi amen. Na lobele bongo. Avez-vous remarqué au verset 3 là? Au verset 5. Na mulonga bitano. La dernière phrase. Ce sera lui qui commencera, non pas qui achevera. Dieu est précis dans ses ordres. Il donne à chacun son travail précisément. Il n'est pas l'auteur de confusion. Il est notre lumière éternelle. Écoutez, c'est lui cet enfant. Il devait être consacré à Dieu. C'est le ventre de sa mère. Il commencera. Il devait commencer à délivrer Israël de la main des Philistins, de ces épines là qu'on avait gardées dans le pays des promesses. Donc il ne devait pas régner à toujours. Vous n'avez pas d'ennemi éternel, vous là. Vous seul Dieu vous donne la vie éternelle. C'est que vous n'avez aucun ennemi éternel. Même Satan est une créature du temps. Chaque démon est une créature du temps. Ils passeront tous, mais vous subsistez. Vous êtes plus important devant Dieu que chaque démon et que Satan lui-même. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Parce que vous croyez en son œuvre, vous croyez en son salut, vous croyez au sang rédempteur, vous êtes plus important que tous les démons. Vous êtes plus important que lui qui fait le Satan. Vous vivrez éternellement, mais Satan sera anéanti. Tous les démons seront détruits. Vous êtes vous-même. Les ennemis sérieux. Ils ont eu un commencement, ils seront une mais c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Il a la vie éternelle. Il viendra pour un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a donc plus aucune condamnation. Donc si Dieu laisse des ennemis, lui-même dans son plan, c'est à quel moment il commencera à les appeler face à toi. Mais c'est vrai, nous sommes libres de réclamer les secours de Dieu. Nous sommes libres d'appeler Jésus sur la scène. Quand nous sommes dérangés par quelque chose, mais si ça traîne son intervention, comprenez qu'il a tout écrit dans son plan. Crois que sa délivrance viendra. Il a dit à Israël, il s'est passé jusqu'à crier devant la mer rouge. Nous mourrons. Nous sommes foutus. Pourquoi s'écrit? Pourquoi tout s'écrit là? Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance que l'Éternel a accompli. Écoutez ça. Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance que l'Éternel vous a accompli. Quel privilège que de marcher dans la foi et d'observer la tranquillité au fin fond de nous-mêmes. Tenez-vous tranquille et sachez qu'il est bien. Il sait ce qu'il fait. Il sait quand intervenir. Il sait quoi faire à tout moment. À quelle étape faut-il faire quoi? Dieu le fait. Amen. Ils sont restés là. Tourmenté par les Sécis, Dieu a envoyé un juge du nom de Gédéon. Mais avant ça, il y avait Sisera avec Déborah la femme. Les tourmentateurs sont venus. Jephté est venu. Mais l'esclavage a repris. Parce que mais vient un autre temps où Dieu va susciter un nazir. Un nazir. Un nazir. un enfant consacré à Dieu tel que lui reposait le plan de Dieu. Ça devait passer par Samson. Dieu lui-même précise que c'est lui qui commencera à délivrer mon peuple Israël de la main des Philistins. Quelle situation! Après autant d'épreuves de haut et de bas, mais le temps de délivrance durable, non pas juste une veille de délivrance. Vous priez pour vous en une nuit, et vous chassez pour vous les démons que le prédicateur a introduit en vous. Les pasteurs des dénominations vous inoculent des démons, et eux-mêmes passent pour des sapeurs-pompiers pour vous bénir. Et puis les démons sortent. C'est lui-même qui a introduit ces démons. Un manipulateur des esprits. Vous voyez comment les féticheurs sont sortis pour commencer à faire. Même Edingwe, il est sorti de sa tanière pour commencer à faire. Vous voyez, frère, des pasteurs utilise des talismans. Ils recourent aux fétiches pour avoir la popularité, remplir les églises, être connu, être célèbre. Honte! Ceux-ci s'appuient sur leur char. Cela s'appuie sur leurs chevaux. Nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Le nom du Seigneur notre Dieu est suffisant. Si ce nom ne peut rien faire pour nous, alors nous supporterons le problème à cause de son nom. Moi je suis comme ça. Si son nom ne peut rien faire, vous croisez les bras, vous supporterez la honte. Nos ne sont pas ressuscités, mais nous nous invoquons ton nom, Seigneur. Je n'ai pas à chercher quoi que ce soit d'autre. Le nom du Seigneur est suffisant. Le nom de l'Éternel est une profonde. Christ trouve refuge dans ce nom-là. Et tous ceux qui ont foi en lui se glorifient. Sentez-vous consolés. Sentez-vous rassurés. Le nom que Dieu vous donne est le suffisant. En lui tout genou doit fléchir. Quelle que soit la durée des souffrances, vous savez que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. L'ennemi n'aura pas tout le temps la victoire. Même pas le monopole, car au-dessus de lui, il y a mon rédempteur. Et comme ça, vous pouvez dire, c'est que mon rédempteur est vivant. C'est lui qui a le dernier. Il célébrera le dernier. Car le dernier ennemi aura refusé ses attaques. Ne saura plus par quoi m'attaquer. Alors mon rédempteur s'élèvera. Alors mon libérateur se dressera. Il fera des merveilles sans nombre. Heureux ceux qui ont Dieu pour Dieu. Nazireya, un enfant consacré à Dieu, la délivrance durable de votre vie. Dieu dit que c'est lui. Regardez, Gédéon était né, il a servi Dieu, et c'était phénoménal. Il a compris les victoires dans les batailles, mais Gédéon n'était pas Nazireya. Jephté était aussi né. Et il est allé là-bas, il a fait son vœu. Gessi, Dieu, tu mets la victoire. Hein, quand je vais rentrer là-bas. Donc, la première personne qui va venir à Maracos, je vais te l'offrir à sa vie. Et c'est sa propre fille qui est venue. Mais lui-même, Jephté, était fils d'une prostituée. Est-ce que vous l'avez vu? Déborah a fait du bruit. Elle a fait quelque chose. Parce que l'homme qui était choisi fait montrer pour le souverain. Si Zéra. Alors, Déborah a dit à la prophétesse de la vie. Oui, Dieu va donner la délivrance à son peuple par la main d'une femme. Quand les hommes se montrent négligents, Dieu peut utiliser même une femme. Et le fait pour sa gloire. Mais après toutes ces victoires de coups de Dieu, Dieu signe dans son plan l'avenir au monde d'un autre homme. Un Naziréen. Il attire l'attention de sa conception. La conception était miraculeuse. Et la grossesse de sa mère, tous les Naziréens, la naissance de la fin et sa croissance, même chose. Et Dieu dit, Zambalobi, c'est lui qui commence à dériger Israël de la main de Philippe. L'un a commencé, Mokabandaki, l'autre devait achever. Qui est celui qui a commencé? Nani Abandaki? Son nom c'est qui? Samson. C'est bien la vérité. Et qui est celui qui a achevé? Ah, David. L'alpha et l'oméga. Les serviteurs pouvaient passer. Les hommes, les vases, les serviteurs pouvaient passer. Mais l'œuvre n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre du Dieu vivant. Qui ne sommeille ni ne dort. Qui vit éternellement. Alléluia. Amen. Quelle merveille. Ici là, il est dit, il commencera. Mais quand nous allons dans 2 Samuel au chapitre 5, voyons encore une histoire merveilleuse. Que nous avons flashé dans la prédication hier, mais j'ai vu que certains enfants de Dieu n'arrivaient pas à saisir. Donc je prie, Seigneur, aide-nous à dire quelque chose qui va continuer à croître, alors que c'est la nourriture de notre maison. Ici dans 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. 2 Samuel 5, verset 17 à 25. Il dit, les Philistins, encore eux, apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Et Yokati va féliciter avec David Asili, Poponama, Mokondi, Likolona, Isalele. Bafilistia yonso, babutaki pona koluka Dawidi. Dawidi ayokaki bango pe, atika kikino esika makasi. Kikubatama. Sous un mur fortifié. Wana na itutuwa makasi. Dans une zone plus sécurisée. Payu api, abatire malamu. Ok. Et là, il va préparer son, sa contrefaçon. Wana kubungisa, kukenda, kubungisa. Les Philistins arrivèrent. Et ils se déployèrent dans la vallée de Rephaïm. David consulta l'Éternel en disant, mon frère contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Ba Philistia, ba yakimpe, ba mi bongisa ki na le papu na le paimi, ba wiki atuna ki yawe, yeti, nabuta ba Philistia, okopesa bango na lokoko na ngai, yawe alobaki na David yeti. Buta, poete solo, na kopesa wa Filistia, na maboko na yo. David va à Baal Perasim. Perasim. Perasim. Rappelez-vous hier. Bubanze la lobby. Perasim. Il va à Baal Perasim. Aye, ne si kano abengi Baal Perasim. Où il le battit. Amen. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis, défends-moi. Amen. Comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Perasim. Dawidi a komaki na Baal Perasim. Pe Dawidi a betaki bango wana. Yete yawe abuki baini nangai liboso nangai. Lokola mai makokula lopango. Boye ebyangami esika yango ete Baal Perasim. Ils laissèrent là leurs idoles. Et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Rephaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis de myriers. Écoutez bien ceci. Là où j'attire votre attention. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Myriée, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gezer. L'extermination. Basikaki bikeko na bango mpe David mpe bato bazalaki elongo na ye balongo laki yango. Bafilisia bayaki lisusu mpe ba palangani na lubwaku na Refaimi. Etunaki David Yawe ye ete okobuta tende okoleka nsima na bango mpe okopongwa likolo na bango poso na nzete na baka. Sika ete wana okoyoka mongongo na kotambola tambola likolo na mito na nzete na baka, boye kenda mbango po ete wana Yawe akokenda liboso na yo po na kobeta ebele na Bafilisia. David asalaki lokola elakaki Yawe abetaki Bafilisia longwa na Geba kino na Jelete. Samson était déjà mort. Samson était fini. Mais Dieu qui commence comme Alpha, il est Dieu qui achèvera comme Omega. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Sachez-le que ça demeure vrai. Maintenant, au lieu que les Philistins continuent à se rendre redoutables, allons dans 1 Chronique 14. Relisons la partie finale de l'histoire. Verset 13 à 17. La célébrité change de camp. Qui sont les redoutables? Vous n'aurez pas toujours la tête courbée tout le temps. Votre Dieu est capable de relever votre visage. Il est capable de redresser votre dos courbé. Il est un Dieu redoutable. 1 Chronique 14, verset 13 à 17. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Bafilisi ya bayaki lisusu mpe, bapalanganaki na lubwaku, David atunaki lisusu epai na Nzambe mpe, Nzambe alobaki na ye ete, buta nsima na bango te, kasi jingela bango mpe, yaka epai na bango, pembeni na nzete na baka. Quand tu entendras un bruit, verset 15, attention. Pour nous qui croyons le message biblique du temps de la fin. Verset 15 ici, attention encore. Quand tu entendras le bruit des pas dans les cimes des milliers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Ekozala ete wana okoyoka mongongo na kotambola-tambola likolo na mito na nzete na baka, bima na etumba mpo ete Nzambe abimi liboso na bino mpona kobeta ebolo na Bafilisia. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gezer. David asalaki lokola Nzambe alakaki ye, babetaki ebolo na Bafilisia longwa na Jibona kino na Jejele. Et les retombées de cela, d'une victoire triomphale. La renommée de David se répandit dans tout le pays. Et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Le kumu na Dawidi et palanganaki na mitili yonso. Yawe akomisaki kotosi na kotosa ye Nikolona Mabosa Yonso. David n'était pas Jésus-Christ. David avait Jésus-Christ. Mais il avait l'Esprit de Christ. Il avait la foi dans l'Esprit de Dieu. Il avait confiance en l'Éternel son Dieu. Ne voulant rien faire de primaire. Ne voulant faire les choses sous le contrôle de son Dieu. Avec la bénédiction de son Dieu. Avec le soutien de son Dieu. Ça aussi agit même. Comme Dieu a dit Abraham, je suis El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant, sois intègre, sois parfait, et marche devant moi, ne marche pas de toi-même, ne marche pas tout seul frère, ne marche pas tout seul l'église, ne marche pas tout seul, et recours à ton Dieu, repite-toi en lui, appelle-le sur le ciel. Car rien n'est impossible. La foi c'est une chose jamais. Elle est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Elle est la démocratie. Les choses qu'on ne voit pas. Ayez foi en Dieu. Parce que vous avez un Dieu redoutable. Il peut vous rendre vous-même redoutable. Mais quand les gens commenceront à vous redouter, vous plaisirez à ce que vous remettez à vous. Qui dira, je suis ce que je suis là. C'est par la grâce que vous redoutez. Jésus m'a aimé. Il m'a délivré de la terre du péché. Il peut me sortir de la boue du péché. Et me faire asseoir sur la table de la gloire. Afin que mon témoignage soit merveilleux. Fera de moi un panneau publicitaire pour la gloire de son nom à cause de son homme. Fais-moi fidèle, bon courage. Mon Dieu, plus près de toi, dans le dessin, dans le dessin. J'ai vu, ton ciel ouvert, plus près de toi, pèlerin, courage, courage, ton chant bravé, l'orage, mon Dieu, Dieu. Plus près de toi, plus près de toi, au pèlerin. Courage, réveille l'orage, mon Dieu, Dieu plus près. Plus près de toi, que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. Toi, hey, bon courage. Dans les sermons, n'ayez pas peur. Prêchez le 7 juin 1960. Écoutez, frère Branham dit, au paragraphe 294, c'est comme vous. Si vous avez la foi, vous croyez la chose. Alors, voyez-vous, cela agira entre nous. Cela agira entre nous. C'est comme vous. Si vous avez la foi, vous allez condima, vous croyez la chose, vous allez condima, alors voyez-vous, cela agira entre nous. Voyez-vous, il s'agit de votre foi et de ma foi. Moi, je crois la chose. Si seulement vous croyez cela avec moi, alors nous verrons les paroles et les promesses de Jésus-Christ s'accomplir. Croyez-vous qu'il a dit vrai? Dieu peut-il confirmer son message? Je le crois de tout mon cœur, mon ami. Je le crois et je l'aime. Je le crois et je l'aime. J'aime sa manière de faire. Ici dans les sermons, Melchisedec le grand prince. Melchisedec le grand prince et moi. Prêché le 9 janvier 1955. Voyez, par il dit, par exemple, si j'avais une ferme ici sur cette colline, pleine de bon maïs, qui pratiquement dépérit sa faute d'eau, et que j'aille un puits artésien sur le flanc de cette colline. Eh bien, je ne peux pas faire en sorte que le puits artésien projette l'eau ici. Et que ça monte sur le flanc de cette colline. Vous m'arrosez cela. Mais je dois mener une étude topographique. Comment cet eau peut suivre son propre parcours, son propre cours, et contourner et arroser ce chemin? Elle le fera si seulement je la laisse suivre son propre cadavre. Suivez, et c'est pareil à ce que le Saint-Esprit est dans la promesse. Si seulement nous le laissons suivre sa voix, sans que nous nous mettions sur le chemin, sans que nous y injections nos doutes, parce que ceci n'a pas marché, et que cela n'a pas marché, bannissez les doutes là. Dieu a fait la promesse, comme Abraham a cru, ce qu'il promet. Dieu peut aussi l'accomplir. Il a tout pouvoir pour le faire. Bannissez tout doute. Jetez dehors les doutes. Hors du chemin les doutes. Ayez la pleine mesure de foi. Laissez le Saint-Esprit suivre le canal de la promesse. Là où le cœur a dit amen. Là où le cœur a dit Seigneur, je dévore tes paroles. Mettez les doutes hors du chemin. Vous voyez, laissez tout simplement le Saint-Esprit de Dieu agir en vous. Et reposez-vous sur la promesse. Cela accomplira parfaitement ce que Dieu a dit que ça accomplira. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Cela accomplira parfaitement ce que Dieu a dit que ça accomplirait. Laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie, agir dans votre cœur, agir dans votre famille, agir dans votre église. Laissez-le faire. Ne vous interposez pas au chemin. Ne deviez pas une peau de banane ou une masse isolante. Mais sois flexible pour croire. Seigneur, je veux croire pour voir ta gloire. Le Seigneur a dit, si tu crois, n'est-ce pas, pas dit cela? Alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Or, le Dieu de Samson, c'est le Dieu de notre église ici. Samson a marché pendant un temps et il a trahi. Et dans la prédication, Frère Branham dit que Dieu utilisera quiconque le suivra. Il dit quand l'église était à ses débuts, Dieu pouvait rendre l'église. Dieu pouvait utiliser l'église. Et pareil, beaucoup de choses se sont accomplies. Même les livres textes a été écrit. Mais il dit malheureusement, à cause du flirt et des choses du monde, l'église a commencé de mauvaises fréquentations. Et le ciel était fréquenté par le mondanisme. Et l'église a l'air de s'être terriblement affaibli. Alors, l'église a bien des égards. L'église représente bien la marche de Samson. Samson a commencé à attaquer les Philistins. Il a commencé le combat dans l'âge primitif. L'église primitive a lancé des assauts contre les antichrists. Jean en parle. Contre les faux prophètes, Jean en parle. Paul lui-même en parle. Mais l'église primitive avait la puissance de l'épée de la parole. Et là, lancer l'offensive. Mais ils n'ont pas exterminé tous les ennemis. Les ennemis devaient continuer au combat. Jusqu'à finalement Dieu ait raison. Quand il avait dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre j'ai bâti mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Le séjour de mort devait continuer à combattre. Il fallait pendant des siècles. Mais Dieu gardait une minorité de fidèles. Dans chaque âge, il y a une branche de l'épouse. Ça, c'est la puissance de l'Esprit. Qui soutient l'église du Seigneur Jésus. Ne vous sentez jamais tout seul. Le propriétaire de l'œuvre est au lien de vous. L'œuvre n'est pas de l'homme, c'est l'œuvre de l'Éternel. Mais au sein de la femme, Dieu de restauration. Jambé, qui avait restauré Samson, qui avait laissé pousser à nouveau ses cheveux. Le même Dieu avait promis de rétablir. Et nous y sommes maintenant. Voilà, les cheveux de l'église sont-ils poussés? Oui. Le même Dieu est-il encore possible? L'un de nous était-il mis à part de l'autre jamais? Est-il épargné par le Seigneur? L'âge du Seigneur lui est-il apparu? Où il était apparu à la femme de Manoah? Alléluia! Amen. Il est sorti de l'histoire. Il vivifie encore sa parole. Les cheveux ont poussé. Le bango n'est pas mon ingana yo. Suki alingombe si boti. Suki alingombe boti mon pati. Depuis qu'Élie le prophète est venu, depuis que cette commission, cet appel est donné, les cheveux de l'église ont poussé. Nous sommes maintenant dans l'assaut final. Voilà, avant d'être enlevé au ciel, pour signer du Tumbasuka. Alors le Dieu de Samson sera dans notre temps ici, le Dieu de David également. La répétition de l'histoire va rassembler les succès du temps de Samson et les succès du temps de David pour exterminer les ennemis. L'incrédulité et la mort seront certainement. Nous faisons la paix sans soeur. L'église sera en le Dieu de Samson est à la fois le Dieu de David pour le peuple quoi ne sait pas sous que c'est beauté. Amen. David a été levé. David a ton mamaki. Il est en David a été suscité. David Moko a bien mis à cœur. C'est le Saint-Esprit dans ce temps. Il ira au défend de la bataille. Il craindra pas les Philistins. Sachez, oui, bah, repérez les signes. Le bruit des pas. Dans les cimes des milliers. Au sommet des arbres, dans les feuilles qui sont au-dessus, là. Le bruit des pas, le bruit dans les feuilles de l'arbre. Qu'est-ce que ça dit? Il y a eu d'abord ce bruit, et puis de là, une voix aussi précise que claire. Une voix humaine, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Ne frime pas. Ne bois pas de pain. Ni ne suis ton corps de vie. Car j'ai une œuvre accomplie par toi. Quand tu seras devenu plus grand. Dieu de David. Nzambe na Dawidi. Répétant le signe. Uzongisaka elembo. Du bruit. Oya makelele. Dans les feuilles de l'arbre. Voilà na makasa tete. Devant le garçon William Branham. Kosa elenge William Branham. Qu'est-ce que c'est? Zalini. Tukisie bani kobota. Nakobanga le souffle du Saint-Esprit. Nakobanga par les fidélités. Nakobanga le souffle de la paix. Sur qui mon libre faut l'esprit de Dieu descend dans la maison. Et faire encore des choses. Il est Dieu des miracles. Il opère des miracles. Il est le gardien de son peuple. Le gardien de son alliance. Dieu est incomparable. Je l'aime. Je l'aime. Alors qu'il a parlé à ces garçons. De cette manière, il y avait déjà une prophétie. Nous sommes au temps de la fin. Il y avait déjà une prophétie. J'ai effleuré ça hier, mais malheureusement je ne l'avais pas avec moi. Mais en 2014, quand j'étais au début de la sémipart, vous voyez là, au mois d'octobre, j'ai retrouvé la prophétie de Charles Price, version originale en anglais. Et je l'ai amené ici. C'est long. C'est vraiment long, comme vous pouvez voir. Il y a plusieurs pages. Donc, selon, il y a un extrait que notre frère Evald Frank d'Allemagne, le missionnaire, a publié. Alors, prophétie de Charles Price, donné en 1916. Alors, 1916. Alors, et quand ceci se produit, oh mes chers amis, Dieu est merveilleux. Frère Frank dit ceci. Presque dans le même temps où Charles Price, qui avait été un homme de Dieu béni, quittait le champ des missions. Pour la maison céleste, Frère Branham entra dans le service auquel Dieu l'avait appelé. Le président international des hommes d'affaires chrétiens, Démon Chakarian, aux États-Unis d'Amérique, était étroitement lié aussi bien avec Frère Price qu'avec Frère Branham. Il a rendu témoignage. Il dit comment chacun d'eux avait été employé par Dieu de manière différente. Je vous transmets ici une prophétie de Frère Price qui s'est réalisée dans le ministère de Frère Branham par l'ouverture des cerceaux. Ça, c'est le commentaire de Frère Franck. Bon, je dis. La pleine réalisation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du salut. Celui-ci le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Dans l'ouverture du mystère du salut, Christ, se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but, l'arche de l'alliance, dans le ciel sera ouvert avant la fin de cet âge. L'arche de l'alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet témoignage, les sceaux du témoignage vivant qui se trouvent dans le cabrité, l'astre alliance qui est dans le ciel, se trouvera présente au milieu des pures vierges de l'église et influencera leur vie. Je répète cette phrase de la prophétie et chacun vous la regardez-vous. L'arche de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu des vierges pures de l'église et influencera leur vie. C'est l'arche qui contenait la manne cachée. Le secret du message c'est dans l'arche qu'il y en a. Et si vous voulez reproduire la vie du message, il faut que l'arche soit au milieu de vous. Et les bénédictions liées à ce message seront votre avantage. Ouvrez les yeux et les ponts. Notre vie doit être influencée par cette parole. La parole sur parole. Parole inspirée. Là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'alliance. Avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi le peuple. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie église qui est née de Dieu conformément à sa décision. Ça accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. La pleine autorité de son nom leur sera accordée afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils auront reçue. Sera nouveau. Les différents sera de tous ceux qui font partie de Babylone. L'appel et la préparation de cette église s'empêche. Arriveront d'une manière surprenante et cachée. De même que David a été élu par le ministère d'un prophète d'Israël, ainsi une minorité sera amenée à pleine maturité. Quelle prophétie! Et ça, ce n'est qu'un extrait. J'ai ici devant moi les pages de la longue prophétie. Mais déjà l'extrait qui est pris, ça vous fait quoi là-bas? Ça doit influencer un peu ta vie. Ça va mener à te remettre par contre des choses si glorieuses comme ceci. On s'était dit sur l'église de Dieu, sur les cellules du Seigneur dans ce temps. Et le chercheur qui en sera digne, que Charles Price annonce, M. William Branham, qui a trouvé le nombre de la bête, la sagesse et l'intelligence, que celui qui a la sagesse calcule le nombre de la bête, quand son nombre est 666, c'était un nombre. Une œuvre accomplie. Quand tu seras plus âgé. Charles Price l'annonce en 1916. En 1916, Tom Branham avec l'âge. Ça vous dit quelque chose. Quand cet temps se reproduit une première fois, ça a donné 14. Et alors là, l'expérience a été donnée. Ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis ton corps d'aucune façon. J'ai une œuvre accomplie. Dieu est l'auteur de cette œuvre. Le propriétaire de cette œuvre-là. Mais regardez comment il était sélectionné. David a été formé. Même la sélection dans la maison d'Isaïe. Dieu a dit envoyer le prophète Samuel. Avec une corde d'huile et il a été roi. Par un prophète. L'évolution de son ministère, c'était sur l'encadrement du ministère du prophète Nathan. Donc il était encadré par un prophète. De la même façon, or, c'est David qui a achevé les batailles contre les Philistins, comme on l'a vu là. Quand ils ont sorti même un héros, du nom de Goliath, vous connaissez tous l'histoire. Il était encore. Dieu l'a rendu redoutable à tous les nations. Et David est le type de cette minorité. Il doit atteindre la pleine maturité. Dieu a dit, Isaïe 28, verset 21, que nous sommes en train de commenter là, l'Éternel se levera. Comme dans la forêt de Gabaon. Comme la montagne Pérasine. Pour faire son œuvre. Son œuvre étrange. Accomplir son travail. Son travail inouï. Et il a donné le signe du bruit dans les bruits de l'arbre. Qui est l'église qui peut jubiler pour ça? Non, donne le signe du bruit dans les feuilles de l'arbre. Et toi, tu continues à regarder dans les vies. Il est plus tard que vous ne le pensez. Or, celui qui a fait ça avait un ministère prophétique pour encadrer qui? La minorité de vainqueurs. Bon, Charles Price a annoncé la prophétie. Qui doit atteindre la pleine maturité? Qui doit recevoir la pleine autorité du nom de Christ? Qui doit expérimenter la pleine autorité du nom de Seigneur. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de talismans. Nous n'avons pas besoin de gris-gris, ni de pétitions, ni quoi que ce soit. Le nom du Seigneur est suffisant. Ayez foi dans ce nom. Comment les boiteux là-bas devant la porte s'appellent la belle? Comment tu es guéri? C'est par le nom de Jésus. Et par la foi dans ce nom. Et par la foi dans ce nom. Et par la foi dans ce nom. Il est le même jusqu'à présent. Il est le même dans ce temps. Il a promis de nous confirmer le message. Au fur et à mesure que les jours passent. Et il promet ici que la pleine autorité du nom de Christ leur sera donnée à ceux-là qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté. Oh Dieu, qu'il fasse de toi l'un d'eux un chercheur de l'amour et de la sainteté. Préoccupé par ça, vous en vivrez juste en plein, l'amour et la sainteté. Et à cela, Dieu donnera la pleine autorité. Christ leur donnera la pleine autorité. C'est son nom. Et vous atteindrez la pleine maturité. Le temps de l'achèvement de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie. Parce que tu as commencé à la faire ça. Il l'achèvera bien sûr dans l'église. Il en parle dans la prédication. Tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. Averti que ce troisième pôle sera manifesté encore puissamment par l'Église pour confirmer sa présence. Mais il ne sera pas utilisé, employé de façon si importante avant que le Conseil œcuménique des Églises ne renforce sa pression. Mais lorsque ce temps-là arrivera, faites attention à ce que je dis. ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez dans la plénitude de l'Esprit. Ces manes, mangez-les. Nourrissez-vous-en. Oh frères et sœurs, que vous soyez édifiés. Que vous soyez établis sur cela. Sachant que dans peu de temps, notre Dieu fera encore une séance universelle. Il fera encore des choses parmi nous. Oh, alléluia! Amen. Je peux entendre encore le bruit du tonnerre. Je vois les nuages qu'il y avait. Il y a une pluie de l'esprit qui va tomber. Il va nous appeler à donner la vision. Il fera prévoir la dernière pluie sur l'église. Il suscitera la foi dans les moments. Des élus seront perfectionnés, seront manifestés. Le manifestera sa promesse. Le message sera vivifié. Notre semence dans le temps de la paix sera identifiée. Elle se distinguera. Croyez-moi, j'ai vu la vision. J'ai entendu ces deux coups de tonnerre. Par le cœur du Dieu a dit, mon serviteur, Laisse-moi marcher avec toi auprès de toi, près de toi, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage. Laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaies. Je suis pèlerin parce que je suis sur la terre. Oui, prierai avec toi. Laisse-moi marcher avec toi. Auprès de toi. Près de toi. Près de toi. Auprès de toi. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Auprès de toi. Près de toi. Près de toi. Auprès de toi. Oui, je souffrirai avec toi. Dieu a le contrôle partout. J'ai avec toi. Guide-moi dans la vallée d'ombre et sur les bancs de la paix. Et c'est dans la vie éternelle entre avec toi, Seigneur. Auprès de toi. Auprès de toi, près de toi, auprès de toi, puisse-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur, auprès de toi, près de toi, près de toi, auprès de toi. Il fait dans ma vie et c'est en qui a victoire Seigneur. Béné, Béléna, Kayo, Kolo, n'est-ce pas comme Béléna, vivre près de mon Dieu. Katina, mon Pembana, Aïna, Sambo. Canaio, bene benena, ayo kolo, bene benena, ayo kolo, katena, babamba na kaina tambo, la canaio. Je suis El Shaddai. Nazani El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Zambi na mwenyoso. Je sais t'allaiter. Je sais te nourrir. Na yebi kule isayo kome isayo. Je contrôle tout. Na yebi kule mbe alikona nyoso. Je ne crie na sambi pour rien. Je suis tano kote abomu inafone loko te. Tout kosu na sambi ya. Nyoso kote mwe walangu kona bolangu ya. Sois intègre. Nyoso kote mwe lechembo. Sois parfait. Ongabe. Et marche devant la face de Dieu. Tango wali kona ilongi na zambi. Prions chaque matin. Ugoni la moko na moko sasa ipi. Numéro 70, Mokili Yangaite. Mokili Yangaite, Azali Moleke, Konana Likolo, Mazali Nabozi, Banje Babiangi Ngai, Otana Likolo, Ngai Nase Pelete. Na mokili yase kolo Yomo ninga nanga Daina zana lola Na kosaka wapi Banje babiange na utana likolo Tepelete na mokili yase kolo Oyebi yomo ninga nanga Daina zanga lola Na kasaka wapi Bange ba bien gai o tanale colo ai na se pelete na ma ke le yasen ba sa ba zeringa na ye be pe yango pe yanai na yeso na bange se nyoso wa na nai na lembi a kope san piko na ina se pelete na mokile ya senkolo oye beiko moni na nanga na ina zanga lola na kose karapi banje ba jangi ngai pota na likolo ai na se pelete no mokili ya senkolo mbatele kumenga kanta ai na zanga lula na koso kawape manja je ba biangi ngai pota na likolo ai na se pelete Namo kele yase Namba kaya kembo Toko bika seko Basanto bazali Kondanda elonga Zembo kitoko be O utana lola Baina sepelete Namo kele yase lolo Monde n'est pas chez moi. Mon n'allait pas une engagée. Tout respira. Je ne peux pas me lier aveuglément. Mais je vais m'attacher aux choses célestes. Là où Christ règne. Là où veut nous amener. Cherche l'amour et la sainteté. Recherchez la paix avec tous de la Bible. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Purifie-toi, frère. Les démons se sont moqués un peu trop de toi. Purifie-toi, ma soeur. Les démons ont gaspillé ton temps pendant longtemps. À te conduire aux futilités. Aux vilainies. Ces histoires sans tête, ni que à perdre ton temps dedans. Rachète le temps dans la consécration. Demeure attaché à Dieu tout le temps. Dieu bien-aimé, tu as écouté nos prières et tu as béni les moments de prédication. En cela, c'est déjà une réponse à la prière. Influence la foi de chacun de nous pour croire que Dieu est ici. Dieu est dans son message. Dieu est dans ses promesses. Nous sommes priagés encore. Le Dieu de Samson est devenu le Dieu de David en même temps pour chacun de nous. La somme de tes miracles, de tes succès, de tes exploits, tu peux faire plus encore. Tu l'as prouvé à travers ce Branham. Tu l'as achevé sa course et ses réponses. Tu l'as laissé sur le champ de bataille. Laisse-nous combattre les bons combats en gardant les règles du Seigneur pour vaincre chaque ennemi jusqu'au dernier d'entre eux. Donne-nous une foi inébranlable dans les promesses du Dieu vivant. Que chacun quitte les formalismes. Quitte l'hypocrisie. L'orgueil. Le dénigrement de l'œuvre de Dieu. Mais mets à nous le sens du sacré. La piété de Dieu. Le respect pour les choses saintes. Réveille chacun du sommeil. Guéris chaque malade. Qui est Dieu infaillible. Réponds à chacun de nous. Affermis sa foi. Délie sa langue pour ta louange. Pour te glorifier, car Dieu n'agit pas que hier. Il agit chaque jour. Il mérite d'être loué et glorifié. Que ton nom garde chacun de nous et que l'autorité de ton nom soit redonnée à l'Église. La pleine autorité de ton nom. L'autorité de Christ. Que le revienne dans cette Église. Et que toute désobéissance soit terminée parmi nous. C'est ton plan, c'est ta prévision. Oh Dieu, laisse-nous suivre les traces du chemin de sainteté, du chemin de victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, je te confie chacun à nous. Et pour ta gloire, amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement.